des choses dans la vie que l'on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas toujours l'homme que tu aimes qui te donnera son cœur. C'est aussi cela l'amour. L'homme que moi j'adorais, yo yo je meurrai est un envoyou. Mon minye n'a pas mon attendi non, ban attendi non, l'homme que moi j'adorais, yo yo mon minye n'a pas mon a qui est non et à coco, l'homme pour qui je meurrai est un enfuivant. Le coureur de jupons, quelle malchance! Moumi était mon maman baé, ton bola mon gonatil vaé, ton bola mon bema baissé, ou titi na ou tout quoi mort, kate non mais frivole, dans lui le ciel et la terre. Pas de vaccin pour eux. Moumi était mon maman baé. Ton obola mon moi na wase. Ton obola mon bé ma bese. O titi na o tout quoi mon. Quand t'es non mes voyous. Donne-lui le ciel et la terre. Donne-lui tout ce que tu peux. Tu ne peux pas le changer. J'adore, yo yo mon minye n'a pas mon aki et noé à coco. L'homme pour qui je meurrai est un envoyou. Comment peut-on aimer un homme aussi infidèle? Don't be ayeya Jesus. Le coup m'a bien aimé, ma grosse, ça c'est l'air.